Vendredi 1er décembre, bienvenue à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Aujourd'hui, on a un sujet qui est très d'actualité même. Hier, on apprenait dans les médias, en fait, c'est avec le Journal de Québec et TVA, on apprenait que les récréations à l'école étaient coupées en après-midi de plus en plus parce que ça devenait trop long à habiller les enfants, surtout l'hiver, surtout, ou sinon pour des raisons administratives. Par exemple, l'école, l'autobus arrivait plus tôt. Et les enfants n'avaient pas le temps d'avoir la récréation, toutes les heures, tout ça. Donc, il y a un côté administratif. On mêle un petit peu les enfants aussi au côté administratif, à ce que je comprends. Et déjà qu'on entend que les enfants bougent, sont plus sédentaires que les générations précédentes, il faut qu'ils bougent. Et on dit qu'ils sont plus sédentaires et on coupe les récréations. Donc, c'est un questionnement. Je pense que de plus en plus, vous allez en entendre parler dans les prochains jours, les prochaines semaines, même les prochains mois au niveau de l'éducation. Donc, je ne sais pas si c'est une des raisons pour laquelle les parents que je reçois aujourd'hui ont décidé de faire l'école à la maison. Je reçois ce matin Nadia Mercier et Martine Ricard, membres du CA de l'AQED, l'Association québécoise de l'éducation à domicile. Et Martine n'est pas venue seule aussi, elle est accompagnée de Ambre et Amétis, qui sont ses enfants aussi. Bonjour à vous quatre! Bonjour! Bonjour! Bonjour! Pourquoi? Ils sont vraiment beaux tes enfants, Martine! ils sont adorables. Et en plus, Amétis va pouvoir... Ambre va pouvoir parler à la radio ce matin, chose qu'elle avait hâte. Pourquoi l'éducation à domicile pour vous? Pour la facilité dans un premier temps, l'accessibilité à nos enfants, la vie de famille... Le fait de pouvoir leur apporter réponse à leurs questions en temps réel, leur curiosité, tout tourne autour de ça, je pense, en ce qui me concerne. Pour nous, c'était aussi de prendre le temps de vivre au rythme de l'enfant, de répondre à leurs besoins. Justement, le besoin de bouger qu'ont les enfants, nous, on en profite à 100% de cette chance-là. Ben c'est ça. Comme je disais en intro, les récréations qui sont de plus en plus coupées dans de plus en plus d'écoles. Vous, dans votre cas, j'imagine, est-ce que c'est une des raisons, pas nécessairement les récréations, mais le fait justement que vos enfants puissent bouger, sans avoir à attendre l'heure de la récréation, tout ça, ça en fait partie des raisons aussi que vos enfants sont plus libres? Eh bien, moi, premièrement, c'était clair, avant même d'avoir des enfants, que j'allais faire l'école à la maison. Ah oui? C'était un choix réfléchi depuis longtemps. Et je me disais, surtout si j'ai des garçons, je pouvais pas m'imaginer de voir mes garçons être empêchés de bouger autant qu'ils en ont besoin. Ils en ont vraiment besoin. Alors, oui, c'est sûr que ça prend une grande place dans notre décision de faire l'école à la maison. Donc... Et on en fait des longues récréations, on bouge vraiment. Des longues récréations. Ouais, ça peut être... je vous dirais qu'en majorité, on peut passer jusqu'à 2 heures par jour minimum. À bouger. À tous les jours, même quand il fait super froid. Là. C'est sûr qu'on écoute les besoins. Là. Si on est trop froid, on rentre, mais on passe beaucoup de temps dehors. Oui. Dans ton cas, Martine? Je vous dirais, moi, dans notre situation, ils sont toujours en récréation et ils apprennent à travers ces récréations-là. Donc, pour nous, le mot récréation n'a pas nécessairement la même référence que dans le monde scolaire. Pour eux, c'est un plaisir. Donc, ils bougent, ils s'amusent, ils apprennent au travers tout ça. Les apprentissages sont simplement différents. L'apprentissage a une connotation amusante dans leur cas. C'est ce que je comprends. C'est quoi un genre de journée typique? Est-ce qu'il y en a, premièrement? Je vous vois. Je dirais que beaucoup, il y a beaucoup de jeux, beaucoup de sorties. Nous, on a choisi de passer un petit moment par jour à faire des cahiers parce qu'on aime ça, parce que ça fait un autre sort d'apprentissage. Mais il y a plein de familles qui le font pas, mais nous, on le fait un petit peu. Donc, on passe peut-être une heure et demie, ça dépend des jours. Et on peut le faire soit la fin de semaine, et même l'été, même pendant les vacances. C'est un contexte qui n'existe, c'est un mot qui n'existe pas pour nous. Tout est un apprentissage à tout moment. Donc, que ce soit dans l'auto, pendant qu'on roule, on peut parler d'un sujet, on fait beaucoup d'histoires en auto, on fait de l'anglais, on fait de la musique, on fait tous les sujets. Tous les moments de la journée sont bons pour l'apprentissage. Donc, c'est difficile de faire une journée, de décrire une journée parce que c'est jamais pareil. C'est jamais pareil. Exactement. Pour ceux, puis je vais vraiment, là, tout le long, je vais vous poser les questions des deux côtés de la médaille. Puis je veux pas être pro-école à la maison et contre l'école à la maison. Je veux vraiment rester le plus neutre possible parce que, bon, les auditeurs le savent, j'ai pas d'enfant, donc c'est un petit peu difficile pour moi, mais par contre, je m'intéresse beaucoup à votre réalité aussi. C'est justement ceux qui répondent, la structure, qui disent, ben il n'y en a pas de structure, ils ont besoin d'une structure, ces enfants-là, d'une routine. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? Je pense que c'est peut-être le parent qui a besoin d'une routine. Ben en fait, on a une routine comme tout le monde d'une certaine manière, dans le sens que on se lève le matin, on mange quand on a faim, on fait tout ça, puis moi mes enfants, ils se couchent pas à l'heure qu'ils veulent, je veux dire quand ils sont fatigués, ben ils vont se coucher. Tu sais, on n'abuse pas. Donc on mange à des heures régulières. Ça fait partie d'une routine. Mais les entre les repas en fait, oui. C'est là où est-ce que il y en a qui vont être sceptiques sur le fait, mais comment ils peuvent apprendre en auto, comment ils peuvent être sûrs que les données qu'ils vont dire à leurs enfants. Par exemple, tu parlais de l'histoire, Nadine, tantôt. C'est vraiment... où est-ce qu'on va chercher l'information qui est la vraie, puis tout ça qu'on enseigne, dans la structure de l'école? C'est sûr que depuis plusieurs années, le monde de l'éducation à domicile a changé énormément avec l'accès à Internet. Mm-hmm. Les enfants sont exactement comme nous. Lorsqu'on a besoin d'une information juste, on va faire nos recherches. Donc, ce sont des enfants qui se questionnent beaucoup, qui vont rechercher des réponses. Ils ne s'attendent pas à ce que la réponse apparaisse dans un livre. Ils vont faire leur propre découverte, leur propre cheminement. Et quand ils font des recherches comme ça, peu importe le sujet, peu importe le sujet... Il y a un petit peu d'action, un peu, dans le studio. Peu importe le sujet, c'est le français qui entre en ligne de compte, c'est les mathématiques, c'est l'histoire, c'est les sciences. Alors, au lieu de faire des petits compartiments d'apprentissage, les apprentissages, ils se font de façon globale, ce qui est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus enrichissant, je pense, pour les enfants. Mais justement, parlons-en des enfants. Il y a Ambre et Amétis qui sont ici, qui ont peut-être leur mot à dire. Comment vous trouvez ça, une journée à l'école? Est-ce que vous pensez que c'est l'école ou comment vous trouvez ça? J'ai pas trop compris ta question. Bon, c'est correct, c'est pas grave. C'est pas la première fois que ça m'arrive avec les invités. comment tu trouves, Ambre, une journée d'école, comme avec ta maman, par exemple? Comment tu trouves ça? C'est bien, puis je sais qu'à la vraie école, j'aurais pas autant de liberté que j'en ai chez moi. C'est ce que t'aimes le plus, avoir la liberté? Ouais, c'est comme... moi, ce que j'aime ça, c'est faire la grasse matinée parce que comme ça, mon corps a le temps de se régénérer, puis j'ai le temps de faire le tri de mes idées, alors que quand on va à la vraie école, on se lève tôt, puis... Puis, est-ce que tu trouverais ça difficile? Est-ce que tu as déjà été à l'école traditionnelle, comme les autres enfants, par exemple? Non, jamais. Dans une classe? Non, jamais. Est-ce que tu trouverais ça difficile ou facile, tu penses, te lever le matin, puis la routine D'après du moi, matin? Moi, je trouverais ça dur. Trouverais ça juste difficile? Juste me lever tout et je m'enrage. Bien, justement, c'est les enfants qui courent, Martine, par exemple, puis Nadia, les enfants Est-ce que c'est ce côté-là aussi qui a été un avantage pour vous de faire « Non, moi, ça ne me tente pas de les presser, mes enfants, le matin. » On voit les parents qui courent tout le temps. Est-ce Exactement. Que oui. Tu as bien raison parce que c'est un peu cette course folle dans laquelle nous, on a été éduqués, dans laquelle on a grandi. Mm-hmm. C'est justement ce qu'on ne veut pas reproduire. Sans enlever, par contre, tout le côté de la responsabilité, de l'implication sociale, des obligations au niveau de la vie au quotidien. C'est ça. Un veut pas dire l'autre. Exactement. Justement, le côté où est-ce que vous allez responsabiliser, comment vous fonctionnez sur ce côté-là que vous leur faites apprendre d'une autre façon qu'avec les enfants qui vont à l'école régulière? Le côté responsabilisation, tout ça. L'enfant est curieux, hein, Nadia? Oui. Extrêmement. Donc, ça vient de l'enfant initialement. Si on écoute nos enfants, on répond à leurs besoins parce qu'ils sont des petites éponges, on l'a toujours dit. C'est mm-hmm. facile pour eux, ils sont curieux. Alors, on fait juste les nourrir et ils se responsabilisent de cette façon-là par eux-mêmes. Est-ce que c'est vrai, je disais que les parents, pas les parents, mais que les enfants apprenaient plus rapidement? Bien sûr. Oui, effectivement. Imaginez un professeur qui est avec tout plein d'enfants, chacun a des besoins différents, chacun a des difficultés différentes, mais là, nous, on fait du 1-1, ou presque, donc quand on a un apprentissage, ça se fait tout seul, là, c'est vraiment rapide, là. Mm-hmm. Vraiment, vraiment. Puis, les enfants, justement, qui ont de la difficulté à apprendre, est-ce que ça, avec l'association, par exemple, avec la QED, est-ce que c'est ce que vous entendez, les enfants qui ont de la difficulté d'apprentissage, ou est-ce que c'est à leur avantage d'être à la maison, d'apprendre à leur rythme? Assurément. Dans le milieu scolaire conventionnel, il y a des aides qui sont apportées, mais ça ne répond pas toujours mm-hmm. aux besoins de ces enfants-là. Donc, c'est certain que lorsque l'éducation se fait à la maison, l'attention est portée justement sur les solutions aux problèmes. On travaille beaucoup plus à apporter des solutions à la problématique et non à identifier le problème, okay. puis à tourner autour du problème. On va plutôt tourner autour de la solution, je pense, dans une façon beaucoup plus positive et beaucoup plus facilitante. Oui, on adapte. On n'a pas besoin de passer par nécessairement le spécialiste qui vient en classe une fois par semaine ou deux fois par semaine. Le parent est là et adapte. Il va faire sa propre recherche pour faciliter l'apprentissage à son enfant. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus facile. Puis on en a beaucoup dans nos membres, que ce sont des gens que les parents ont pris cette décision-là suite à des difficultés que les mm-hmm. enfants avaient. Bien, parlons-en, les membres qu'il y a avec la QED, par exemple, qu'est-ce qui ressort le plus parmi les rencontres? Est-ce que vous avez du feedback là-dessus sur qu'est-ce que eux trouvent, les raisons pourquoi eux ont décidé l'apprentissage à la maison? Bien, les pratiques à domicile sont très variées. Hein? On a des gens que c'est pour nécessairement un plus grand engagement familial. Mm-hmm. D'autres ont nécessairement un regard qui est un petit peu plus critique face au système scolaire. Il y a des gens que c'est pour des expériences scolaires qui sont négatives aussi, qui sont devenus parents, éducateurs. D'autres, ce sont pour des caractéristiques plus particulières. On parlait tout le temps des enfants qui ont de la difficulté. Ouais. Mais beaucoup, c'est pour un désir d'enrichissement. Ouais. C'est vraiment autour de ça que les valeurs... que les principes de pratiquer l'éducation à domicile se basent. Mm-hmm. Il y a beaucoup de parents qui ont décidé, par exemple, de ne pas envoyer leurs enfants à la garderie. Alors, pour eux autres, la continuité était de garder les enfants avec eux à la maison. Mm-hmm. Mais ce sont des parents qui sont extrêmement impliqués, donc qui vont organiser toute leur vie autour de ça. Bien, parlons-en de leur vie, que les parents décident. J'ai l'impression que... Est-ce que c'est moi qui se trompe ou il y a beaucoup de femmes qui font l'enseignement à domicile puis qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes? Il me semble que c'est une affaire de femmes. On peut penser que ça l'était, hein, il y a quelques années. Peut-être, oui. aujourd'hui, c'est très partagé. C'est un projet familial. Okay. Alors, on va retrouver quasi autant de pères, je crois, que de mères qui s'impliquent selon leur façon à eux. Tout simplement. C'est sûr que le père est souvent la personne qui va travailler parce qu'on en majorité, là, les mamans ont pris le congé de maternité, par exemple, et ils ont décidé de quitter leur travail, comme moi, par exemple. Okay. Et ils ont quitté leur travail, donc ils restent à la maison avec les enfants, les papas vont travailler. Mais puis le congé de paternité est moins long. Oui, aussi, c'est ça. Là, donc il n'y a pas la même implication physiquement aussi. Oui, et puis, ben par la suite... Ben voilà, ça dépend. Ça dépend vraiment. T'as beaucoup de travailleurs autonomes aussi. Ouais, énormément autonome. De travailleurs autonomes dans le réseau des parents. Ouais, ouais. Donc on en Nadia est travailleur autonome aussi. Ouais. Moi, je suis travailleur autonome. Et je pense que c'est une grande majorité de mm-hmm. nos familles. Ben comment on organise nos horaires justement à répondre à nos clients quand on est travailleur autonome? Même, je lisais aussi qu'il y en avait qui étaient travailleurs temps partiel aussi, oui. ça oui. se peut. Oui. Comment on organise nos horaires? Est-ce que c'est un casse-tête pour vous? Pas du tout. Pour le bien-être de l'enfant? C'est beaucoup plus facilitant. C'est vrai? Bien sûr, bien sûr. On n'a pas de lunch à faire, nous. Mais pour le travailleur autonome, oui, mais quelqu'un qui travaille, qui continue à travailler quand même un peu au travers de ça. Mais nécessairement, si le parent éducateur travaille à l'extérieur, l'autre parent est présent. C'est ça. Souvent. C'est souvent oui, un oui, où on okay. peut s'échanger des services, par exemple. Comme présentement, moi, c'est ma copine et son conjoint qui s'occupent de mes enfants, présentement. Je les salue, ils sont sûrement sur la route. Donc, on s'échange des services. Puis, je sais qu'il y a certaines familles que les mamans ou les papas travaillent pas en même temps, justement, ou soit le soir. Mm-hmm. Donc, c'est ça, c'est des horaires... Mais en même temps, est-ce que, justement, le fait d'être travailleur autonome, ça peut pas donner, justement, l'exemple à vos enfants de comment ça fonctionne? Ben, vous pouvez aller vers les mathématiques avec les factures, les choses comme ça. Ils peuvent apprendre des choses qu'on n'apprend pas. Admettons juste le côté économie, qu'on n'enseigne pas, les budgets, ces choses-là, vous pouvez leur apprendre de cette manière-là avec l'école à domicile? Tout est apprentissage, bien sûr. Oui. Tout devient apprentissage. Tout devient apprentissage. Tout. Donc, les enfants, ils nous regardent. On est leur modèle. Donc, on agit d'une certaine façon et on essaie de faire toujours de notre mieux. Mm-hmm. Donc, on essaie d'être des bons modèles positifs pour que ce soit des citoyens un jour qui vont être responsables et positifs dans la société, des acteurs positifs. Donc. Oui. Ça met-tu de la pression? Ben, je pense que même qu'on ait une carrière ou qu'on soit à la maison comme nous, les parents se posent tout le temps des questions et on a toujours des pressions. Oh oui. On est pareil comme les autres. Ce qu'on veut, c'est leur bonheur. Donc, Mais là, ils sont 24 heures sur 24 presque avec vous. Est-ce que vous avez comme l'impression d'avoir la lumière sur vous tout le temps, qu'ils vous regardent ou pas du tout? Pas du tout. Ils sont là, ils sont présents. C'est l'esprit de famille, tout simplement. Ils font partie de notre vie. Je veux dire, non. On n'a pas connu autre chose. C'est ça. Donc, on peut pas savoir. Puis, je pense qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans. Il faut s'offrir des moments pour être bien en tant que parent, en tant que femme, en tant que père. Il faut se trouver des petits moments pour se réaliser aussi personnellement dans notre horaire. Et puis, ben on le fait, nous, en tout cas, et ça fonctionne. Est-ce que vous appréhendez la journée où est-ce qu'il n'y aura plus d'apprentissage scolaire, dit scolaire, en tout cas, là, où il n'y aura plus cet apprentissage-là que vous allez faire, ben ils sont grands? Vous appréhendez cet apprentissage? Elle a dit ça. Nadia, c'est sûr. Ben, tu sais, c'est ça va être une nouvelle vie, mais je vais l'accepter. Tu sais, c'est faut s'adapter. Mais c'est sûr que ça va faire quand ils vont être adultes puis qu'ils vont partir, ça va faire ouf. C'est quel chemin j'ai parcouru. Mm-hmm. Puis est-ce que de ton côté aussi, Martine, tu fais ben non, ça, t'as l'air plus sereine face à ça. Ah ouais, plus sereine que moi. Pour moi, c'est tout simplement un chemin de vie. C'est tout aussi simple que ça. Donc, je trouve ça même beau et intéressant lorsque Amber me parle de ses études au secondaire et post-secondaire. Pour moi, je trouve ça magnifique parce que c'est grandiose de voir vers quoi elle veut se diriger ou comment elle voit sa vie. T'sais, aujourd'hui, elle a une idée générale de ce qui se passe. Elle voit son père travailler, sa mère travailler. Elle voit tout le côté du bénévolat, de l'implication sociale qui tourne autour de la vie. Mais elle sait aussi que plus tard, elle aura à faire des choix. Oui. Et Bien, pour moi, non, ça me fait pas peur. Je trouve ça magnifique. Bien, parlons à Ambre. Comment tu te vois, toi, après l'école, quand... comment tu vois ça? Ta maman a dit comme quoi que tu as une idée de qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Comment tu vois ta vie? Bah, grosse question. Déjà, quand je vais être grande, moi, je veux être écrivaine. J'adore écrire des romans. Ah oui? Ouais. Puis... j'adore faire des projets du genre aussi. Mm-hmm. Et pourquoi tu veux être écrivaine? Parce que quand j'écris un livre, j'ai l'impression que c'est moi qui le lis. Ça, je me sens dans le monde du livre, genre. Tu te racontes une histoire en même temps, puis après ouais. Ça, tu peux en faire profiter les autres, c'est ça? Des fois, j'écris mon livre, là. C'est le samedi soir, vers 11h du soir. Puis là, j'ai peur parce que je vois la personne du film derrière moi, genre. Ben, c'est un beau projet. Pas que du film, du livre. Mais je t'encourage à écrire. Continue à écrire. Je vais te lire. On devrait publier cette année le premier roman. C'est vrai? Ça va bien, ça va bien. J'ai juste rendu à 49 pages. Hein. Je vais arriver à au moins 100 pages. Moi. 49 pages, wow! J'avais de la misère à faire 250 mots à l'école, moi, dans une structure très rigide. Mais c'est justement parce que toi, t'étais à l'école. Donc, le professeur te forçait à faire quelque chose. Moi, je déteste écrire des livres quand je suis forcée. Mais quand ça vient de moi, c'est une passion. Ben, sais-tu, t'as totalement raison. Puis c'est ce que je me disais aussi. Moi, ça me tentait pas d'écrire sur un sujet précis. Est-ce que t'as l'impression d'avoir plus accès à ton imaginaire, à ton imagination, que si on disait écrit sur tel sujet précis? Oui. Oui, hein? Parce que ça vient de moi et là, c'est une fierté. Alors que si je suis obligée... Quand mon père me disait de faire d'écrire un livre pour faire de l'école, je voulais pas. C'était la peine que je détestais le plus. Mais là, à un moment donné, j'ai sorti mes crayons et j'ai fait une BD. Absolument nulissime, mais j'ai fait une BD. Et j'étais très contente de mon travail. Puis là, la BD, c'était trop dur, donc j'ai commencé le roman. T'as commencé un roman à la place, ben oui. C'est tout le monde, tout le monde a ce chemin-là. Non. C'est wow, tu m'impressionnes. Hein? Ben voyez-vous la spontanéité et l'enthousiasme de cet enfant, mais ça fait partie de tous les enfants de notre gang. Là. C'est-tu la caractéristique qui ressort le plus? Vraiment. Les enfants sont plus passionnés. Eux-mêmes. Passionnés. Ouais. La créativité est présente, l'imagination. Ben, est-ce que justement un enfant qui est plus rationnel, qui est moins du côté artistique, créatif, tout ça va être plus rationnel parce qu'il y en a aussi. Est-ce que eux, c'est plus difficile, vous envoyez moins à l'école à la maison? Pas du tout, parce qu'ils ont aussi leur passion, même s'ils sont rationnels, mm-hmm. qu'ils sont plus mathématiques, qu'ils sont plus sciences. On voit des projets merveilleux dans le réseau des familles de l'Association québécoise de l'éducation à domicile. On a des enfants qui performent, mais à d'autres niveaux, bien sûr, et parce que c'est justement, ils en sont passionnés, ils en vivent, ils en mangent, et on leur permet justement d'aller en profondeur de leur passion, de leur désir. Est-ce que ça en fait pas des futurs entrepreneurs? Pourquoi pas pour le Québec? La majorité, mais pourquoi pas? On promouvoit un Québec justement avec plein d'entreprises différentes, de la micro-entreprise mm-hmm. qui forme une structure, une base d'une société qui est économiquement viable. Alors pourquoi pas? On va aller en pause. Et puis, j'aimerais ça, par exemple, après la pause, qu'on puisse voir, par exemple, là, il y a beaucoup d'avantages. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'on va aller en pause et j'aimerais ça qu'on en parle aussi, qu'on voit les deux côtés de la médaille, vraiment, de votre réalité que vous vivez avec l'enseignement à la maison ou à domicile ou, je sais pas, ou libre, l'enseignement libre aussi que j'ai lu? L'AEF. L'AEF? Oui. C'est l'apprentissage en famille. Ouais, l'apprentissage en famille aussi, c'est vraiment... Ouais. C'est le mot qu'on aime bien. Oui. On va en parler après la pause. À tout de suite. On est de retour aux différents, Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h et on parle ce matin de l'école à la maison, l'école en famille, l'enseignement en famille, peu importe le terme que vous ayez choisi, ça existe et il y a une façon aussi, on va voir avec mes invités le côté légal un peu plus tard, comment s'inscrire, comment, si ça vous intéresse, on va voir ça avec mes invités. Donc je reçois Nadia Mercier et Nadia, oui, pas Nadine comme j'ai dit tantôt, je suis désolée. Martine Ricard, qui sont tous deux membres du CA de l'AQED, qui est l'Association québécoise de l'éducation à domicile, et Martine avec ses enfants qui sont Ambre et Amétis, Ambre future écrivaine. Ben, qui l'est déjà, je pense, à 49 pages d'un livre, là, je pense que... Ça vient bien. Ça sent... C'est pas mal mieux. C'est pas mal plus que moi, en tout cas. À son âge, ils sont tout jeunes. 10 ans pour Ambre, 8 ans pour Amétis. Mais oui, on parlait les avantages avant la pause. Est-ce qu'il y a des désavantages aussi, des fois, que vous diriez, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'il soit à l'école. J'aimerais ça avoir cette journée-là. Ça existe-tu? Écoute, les désavantages, nécessairement, en ce qui nous concerne, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'on est des passionnés de l'éducation à domicile. Mm-hmm. Mais c'est sûr que souvent, on parle... d'un salaire en totalité ou en grande partie. On parle aussi des parents qui vont vivre une période plus névralgique dans leur carrière professionnelle, le temps qu'ils vont investir pour l'éducation. On parle bien sûr de cette responsabilité quasi constante de nos enfants, mais c'est un choix de le faire. Hein? On parle des déplacements pour assurer... des rencontres, la fameuse sociabilisation avec les autres enfants, les activités qu'on va faire, la recherche de matériel mm-hmm. puis de ressources. On doit défrayer les coûts en totalité. Parce que l'école n'est pas gratuite, à ce que je comprends dans votre cas, parce que c'est pas la structure du Est-ce que l'école est gratuite? Oui. Ça, c'est un autre sujet. Non, chaque parent doit... Selon le côté officiel, l'école serait gratuite. Hey, je vais me faire lancer des tomates par les parents. Les parents, bien sûr, qui font l'école à la maison, se procurent tout le matériel didactique, bien sûr, puis pédagogique auprès des maisons d'édition à leurs frais. On ne reçoit aucune compensation achète tout le même matériel que d'autres familles, que d'autres enfants qui vont à l'école conventionnelle. Oui, puis nous, si on veut voir, un psychologue, un orthophoniste, bien, il n'y en a pas, là. À l'école, on n'a pas accès à ceux qui sont. Mais je poserais la question, est-ce qu'il y en a dans les écoles? Il y en a. C'est un petit peut-être peu plus compliqué. Rare. C'est peut-être plus accessible d'avoir accès à nos orthopédagogues en milieu privé. Ça devient du privé à un moment Toujours. Donné. Toujours. C'est ça. Toujours. Parce que dans les écoles, on entend les coupures. Ouais, c'est pas moi qui l'invente, parce que de toute façon, j'ai pas d'enfants à l'école non plus. pas aux dernières nouvelles. Et c'est les coupures qu'il y a, les orthopédagogues, les psychologues, qui sont, même les infirmières, il y en a-tu encore? Je pense que ça a été coupé aussi. Donc, c'est tous ces côtés-là que vous devez défrayer, mais dans le fond, les parents qui envoient leurs enfants déjà à l'école ont à défrayer s'ils veulent qu'ils rencontrent un pédopsychologue, un pédopsychiatre, peu importe le type là, de profession. On parlait de la sociabilisation. Je t'entendais dire ça, Martine, justement, mm-hmm. là-dessus. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu disais, « Oh mon Dieu, mais comment je vais faire pour les enfants? Je veux pas qu'ils soient tout le temps avec moi. Je veux qu'ils s'amusent aussi avec d'autres enfants. Où est-ce qu'on va avec eux? » Ou, tu sais, comment... Le mot « amusement » et le mot « sociabilisation », à mon avis, c'est... Est-ce que ça fait qu'un? Est-ce que c'est très différent, en tout cas? En tout cas, c'est pas une inquiétude. C'est ça, c'est pas du tout une inquiétude. on sait qu'on sociabilise beaucoup plus en échelon. Il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, donc on ne sociabilise pas fondamentalement mm-hmm. uniquement avec nos pères, mais bien avec des gens qui peuvent nous apporter quelque chose. Mm-hmm. Nous, par exemple, on voit des enfants régulièrement, là. Bon. L'ère d'aujourd'hui avec Facebook a fait qu'on est capable de tout se retrouver et de s'organiser des activités. Donc, moi, je suis de Bellechasse. Donc, on voit des gens dans chacun des villages environ. Il y a une famille qui le font. Puis, on va vers Lévis. Donc, on voit des gens, on s'organise des activités, on se loue un gymnase, on vient à l'école de cirque ici, on a des cours de musique. Donc, au niveau des enfants, il y a ça qui est disponible pour nous. Puis bon, la famille, les amis. Mais on a des amis de tous les âges. Mm-hmm. Donc, j'ai vraiment des amis de 70 ans, des amis de 50 ans. Donc, quand on va chez eux, les enfants, c'est ça, socialiser. Mm-hmm. On jase avec eux, puis ils apprennent plein de choses. Et eux ont des passions qu'ils transmettent à nos enfants. Donc, ben oui, c'est de l'apprentissage aussi, là. Les groupes de soutien permettent aussi. Ouais. Ça l'a beaucoup évolué, beaucoup changé. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'éducation à domicile. Alors, Ambre et Métis ont trois frères plus grands qui, eux aussi, ont passé par le même cheminement. Et c'est certain qu'avec l'accessibilité de l'information, mm-hmm, d'Internet, ça l'a changé complètement. Ben oui, c'était quoi il y a 20 ans, puis aujourd'hui, C'était beaucoup de travail. Ouais. C'était beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Internet n'était pas dans toutes les maisons, là, non, il y a 20 ans. C'était des rencontres mensuelles avec les autres enfants qui font l'école à domicile. Puis on devait, mm-hmm, se déplacer dans d'autres régions. Il y avait des groupes de soutien qui étaient mis en place. Mais c'était beaucoup moins accessible. Aujourd'hui, c'est la vie au quotidien. C'est facile. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout le même défi. Si aujourd'hui, oui, par exemple... nous, en étant en région éloignée, c'est sûr que un de nos problèmes, c'est qu'on est souvent dans l'auto pour venir à Québec, à Lévis. Donc, on doit toujours faire de la route. Ça, c'est pour moi, là, dans notre famille, à nous, c'est comme la difficulté qu'on a un petit peu à faire. Mm-hmm. Mais bon, ça, c'est un choix de vie qu'on a décidé d'aller s'établir en région. Mais j'ai perdu mon idée. Je suis désolée. Mais en région, tu as beaucoup de gens aussi autour, mais de, oui, toi. Tu as des familles, oui, tu, okay, sur la rive sud, donc c'est facile de vous rassembler. J'ai retrouvé. En fait, si une journée on s'ennuie, ben il y a Skype. Donc, on peut se parler, on peut faire des projets par Skype. On peut. Moi, mes enfants me le demandent souvent, là, maman, on peut-tu aller sur Skype pour parler à tel ami? Donc, c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Y en a-tu des parents avec l'association, par exemple, que vous avez vu qui sont. Qui ont commencé l'école à la maison et qui ont fait « Non, c'est pas pour moi. Je vire de bord. Moi, j'y retourne à l'école. Puis on revient à notre routine que je suis plus à l'aise peut-être. Ou... » Il y a mille raisons qui peuvent expliquer justement un changement. Mais comme le disait Nadia, souvent ce sont des choix de longue qui ont été pensés longtemps avant. Les parents, on a rencontré des parents qui l'enfant vient de naître et déjà, ils planifient de s'informer, mettre en branle leur base pour justement faire l'école à la maison avec ces enfants-là. Alors, c'est très rare que c'est un coup de tête, que c'est, mm-hmm, un changement. Mais oui, ça peut arriver qu'il y ait des gens qui disent, écoute, on a fait 2 ans, bravo, c'est déjà beaucoup ce qu'on a fait. Ben oui. Pour mille et une raisons, un parent qui est malade, qui décède, mm, il y a plein de changements dans une vie qui arrivent, dans toutes les familles d'ailleurs. Alors oui, c'est possible, mais ça n'arrive pas si souvent que ça. Ouais. Mm-hmm. Les enfants, ils s'adaptent. Donc, je pense que si tu es un parent qui s'adapte en général aux situations de la vie, mais l'enfant va faire comme toi. Donc, les expériences qu'on entend de retour à l'école, c'est toujours positif, là. Oui. OK. Ouais. Mais justement, est-ce que tu dis que l'enfant s'adapte, est-ce que justement, ne pas les commencer tout de suite à l'école? Ou dans le sens que l'enfant s'adapte à tout, il s'adapte autant au retour à l'école typique que de l'autre côté... Puis il y en a qui vont poser la question, mais pourquoi dans ce cas-là, si les enfants s'adaptent, pourquoi on fait l'école à la maison? Pourquoi ne pas? Pourquoi qu'on se complique la vie? Parce qu'on croit à l'enrichissement. On croit que autant il y a d'individus, autant il y a de modes d'apprentissage. On croit que une société est faite de multiples individus, mm-hmm, provenant de multiples... structure, oui, on croit que... Chacun a des besoins différents. Oui. Puis, qu'est-ce qui ferait que demain matin, vous diriez, l'école type traditionnelle, admettons, on parle de l'édifice, on parle des classes, vous diriez, oui, s'il y a telle chose qui change ou telle chose qui serait plus acceptable pour moi, moi, là, j'aimerais ça que mes enfants puissent aller à cette école-là pour telle raison. Pourquoi qu'ils y vont pas? C'est à cause, par exemple, tantôt je parlais des récréations qui sont coupées, que les enfants bougent moins, le côté créatif. Si on amenait un peu plus la créativité, est-ce que ce serait des choses qui feraient que, peut-être j'essaierais une année avec mes enfants? Pour moi, il y aurait beaucoup, beaucoup de changements à faire. Ah oui? Vraiment, une réforme... Okay. Complète, mais ça, c'est mon opinion à moi. Oui. Moi, je crois que nécessairement, mon questionnement a toujours été pourquoi qu'on devrait avoir une société qui est formée avec un même programme éducatif? Oui. Pourquoi? Tout le monde la pareil. La diversité. Pourquoi? Tout le monde dans le même paquet. Exact. En tant qu'adulte, là, est-ce qu'on fait toute la même job? C'est un silence qui en dit long. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais je pose quand même la question parce que des fois, là, on voit qu'il y a quand même une ouverture. Autant il y a eu des fermetures, bon, pour les récréations, si je prends cet exemple-là, pour des raisons administratives ou parce que c'était trop long les habiller les enfants pour les amener dehors. Peu importe la raison, il y a... Puis, au niveau des coupures des services, mais il y a l'autre côté aussi où est-ce que, bon, on voit avec le ministère qui essaie d'amener des plus belles écoles, qui commence à poser des questions pour savoir. Là, on a vu Pierre Lavoie qui s'implique là-dedans. Il y a Ricardo Larrivé, entre autres. Et il y a l'autre Pierre qui m'échappe, qui est architecte, qui vont poser des questions aux enfants pour savoir les plus belles écoles, qu'est-ce qui leur tenterait. Est-ce que vous sentez un petit mouvement quand même de changement au niveau de l'éducation en général? Écoutez, les acteurs doivent souhaiter un changement, mais on est très loin d'une accessibilité aux services selon les besoins de chaque enfant. Le ministre Proulx a travaillé très fort sur la nouvelle loi qui va entrer en vigueur, une table de concertation avec une multitude de professionnels. Ce serait quoi cette loi-là? Ce serait quoi la loi qui rentrerait en vigueur? Sur les modifications de l'instruction? Ouais. Ben écoutez, c'est un sujet qu'on pourra pas nécessairement parler amplement puisque les règlements qui vont la composer ne sont pas encore établis. Oui. Alors, une loi sans règlement, ça ne dit pas grand-chose. Évidemment. Alors, on peut pas nécessairement aller plus loin. Tout est en train de se jouer là. Présentement. Présentement, on est là-dedans. La table de concertation va se rencontrer pour une première rencontre le 12 décembre. Alors, à partir de là, ce sont des professionnels de différents milieux qui sont sur cette table-là. Donc, la mise en place des règlements va se faire dans les semaines et les mois qui vont suivre. Par la suite, on pourra analyser qu'est-ce que ça sera comme changement. Il est certain que le Québec est la seule province au Canada, en Amérique du Nord même, le seul endroit où on met des bâtons dans les roues des parents éducateurs. Ah oui? Okay. L'éducation à domicile est reconnue aux États-Unis et reconnue au Canada dans sa globalité. Alors, nous nous battons présentement. L'éducation est reconnue en Europe, dans plusieurs pays, de façon beaucoup plus facilitante. Est-ce qu'on est en retard? C'est ce que je comprends. Je pense qu'on... On a du travail à faire. A du travail à faire, OK. Faudrait justement rendre ça plus accessible. Rendons-le plus accessible. Quelqu'un qui veut demain matin s'informer sur ou qui vient d'accoucher, une femme qui vient d'accoucher et qui dit regarde, moi je suis bien en congé de maternité puis j'ai envie de prolonger ça. Un peu comme toi, Nadia. Comment ça fonctionne? Comment elle doit procéder? Les étapes pour en arriver à faire l'éducation à la maison, en famille? Bien, mon parcours personnel peut être un exemple, par exemple. Première chose que j'ai faite, c'est que je suis allée sur Google. et j'ai écrit « École à la maison Québec ». Et puis, je suis arrivée sur le site de l'AQED, donc qui est le www.aqed.qc.ca. Donc, là-dessus, on trouve beaucoup d'informations sur comment débuter et comment ça fonctionne au Québec. Mm-hmm. Puis, par la suite, j'ai trouvé la page Facebook de l'AQED. Donc, on tape Association québécoise pour l'éducation à domicile. Et là, vous tombez sur une page où il y a plus de 3500 membres qui échangent quotidiennement sur toutes les questions de base. Vous pouvez poser vos questions, les familles vous répondent. On est une belle communauté, on s'occupe beaucoup de cette page-là. Donc, C'est quoi la question qui revient le plus de ces parents-là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec... On a-tu le droit? Ben oui, on a-tu le droit, vraiment. Oui, ça se pose parce qu'il y a quand même un âge minimum, jusqu'à, si je ne me trompe pas, c'est 16 ans que l'enfant doit être à l'école. Doit recevoir une éducation. Une éducation. Ah, ouais, tu vois, c'est une autre tournure de loi. Oui, donc c'est vraiment ça. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est légal? Une fois que c'est répondu, ben par où je commence? Est-ce que j'ai besoin de livres? À qui je dois le dire? Mm-hmm. Comment j'en parle à ma famille? Oui. Mais comment j'en parle à la famille? Tu m'amènes au point où est-ce que vous êtes vus comme des extraterrestres parce que vous Sûrement. Gardez vos enfants à la maison? Sûrement. Sûrement, mais je t'ai vu, ça va bien. Je m'assume entièrement. Oui. Oui. Y a-tu des commentaires? Mais voyons, comment ça se fait qu'ils restent à la maison, ces enfants-là? C'est sûr que là, tu t'adresses à deux par indicateur fondamentalement vendus à l'éducation à domicile. Mais alors, pour nous, les commentaires, ils nous passent sur le dos, là, ils glissent, c'est pas... En fait, je dirais que dans le début de ma démarche, je démontrais peut-être pas autant d'assurance dans mon choix. Alors, à ce moment-là, la vie nous envoie les gens qui nous envoient les questions directement pour nous troubler. Mais on prend de l'assurance, et puis maintenant... j'en ai plus de questions. Mm-hmm. Mais c'est certain que ce que je trouve dommage, c'est que même dans ma famille ou des amis proches, ils en ont des questions et ils ne me les posent pas. Ils sont peut-être à l'écoute aujourd'hui. J'espère. Ça serait le temps. C'est pour ça que je laisse les micros ouverts aussi. Voilà. Pour que vous puissiez en parler. Parce qu'il y a un préjugé. On ne se cachera pas. Ah, c'est Il y a sûr. Un préjugé de penser que les parents sont complètement déconnectés. Bon, un parent qui veut faire un enfant roi, par exemple, ouais. Ben ça, on l'entend. Les parents qui s'impliquent, qui vont à l'école, il y en a qui sont très agressifs. Oui, là, ça, j'en conviens, mais ils sont pas tous agressifs, là. C'est des minorités qui mm-hmm. ressortent. Mais il y a des parents qui s'impliquent dans l'éducation, tout ça. On entend encore l'enfant roi, ces choses-là. Puis, bon, est-ce que il enseigne à la maison? L'enfant va le mener par le bout du nez. Ces choses-là, on les entend, ces préjugés-là. C'est pas le cas, nécessairement. Il y en a peut-être. Mais c'est la non-connaissance. Les enfants qui vont à l'école aussi, il y a plein d'enfants rois avec les enfants qui vont à l'école. Mais c'est ça, c'est un manque de connaissances, ce sont des préjugés. Écoutez, nous, je pourrais dire que depuis la tendre enfance, on a utilisé la bienveillance avec mm-hmm. nos enfants, la parentalité positive. Oui. Alors, comment faire un enfant roi quand on utilise ces approches-là? Oui. Quand on est dans le respect de l'être, quand on voit un enfant comme un être entier, qu'on n'essaie pas de le diminuer, on veut des enfants épanouis. On a fait des choix éclairés depuis longtemps. On s'est renseigné. On est du monde curieux, allumé. On s'est au courant de tout. Ben, donc, ça vous tient au courant de tout, justement. Je pense que ça doit être motivant pour vous d'avoir à transmettre vos enseignements à vos enfants sur vous-même, vous renseigner sur tout parce que vous voulez le transmettre. Oui. Mais c'est tellement le normal. Est-ce normal d'avoir sa progéniture et d'accompagner sa progéniture pour qu'ils deviennent des individus responsables? Moi, il me semble que ça me paraît totalement normal. Et mm-hmm. l'éducation fait partie de leur propre chemin de vie. Donc, ça, tout va normalement. Qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est là que je me questionne. Mm-hmm. Qu'est-ce qui n'est pas normal? Pour nous, on a une vie normale, totalement normale. Ben oui, mais pour ceux aussi qui pourraient se dire, ben écoute, tant qu'à pas aller à l'école traditionnelle, mais là, ils vont à l'opposé, ils enseignent à la maison, pourquoi ne pas aller vers le milieu, si on veut, l'école alternative? Pourquoi? On n'a pas suffisamment d'écoles alternatives significatives aujourd'hui. Est-ce que ça vous aurait intéressé, l'école alternative, pour vos enfants? Ça dépend dans quelle façon on apporte l'école alternative. Un endroit où ils pourraient recevoir une formation quelconque, complémentaire à ce qui est fait à la maison, oui, c'est intéressant. De mettre notre enfant dans une petite boîte pour 8 heures de temps, pas sûr. Mm-hmm. Il existe des beaux modèles, par exemple en Norvège, en Finlande. Oui. Emmenez-nous un modèle comme ça ici. Ben, peut-être qu'on... Au Québec, on a une école, justement, de Jacinthe René, en fait, oui. Qui a ouvert sa propre école, qui a décidé, parce qu'elle ne se voyait pas dans les types d'écoles qu'on lui proposait pour son premier garçon, et a décidé. Puis c'est les plus vieux qui enseignent aussi aux plus jeunes. Il y a vraiment, il y a pas de classe par âge, par tranche d'âge, en fait. Donc est-ce que ça pourrait être de quoi qui vous intéresserait? Parce que ça ressemble un peu à ça chez vous, bien avec sûr, les enfants de différents âges. C'est tellement complexe de partir un projet comme ça. On se fait mettre des bâtons dans les roues tout le temps. Il y a plein de familles qui ont essayé de faire ça. Mais il y a des instances qui empêchent, là. Donc, c'est très, très compliqué. Une grosse question monétaire qui tourne autour de l'éducation des enfants. Mm-hmm. Veux pas, de garder un enfant dans le milieu scolaire rapporte à une commission scolaire. Évidemment. C'est la roue qui tourne. C'est ça, là. Tout tourne autour de ça aussi. J'aimerais ça, pour les dernières minutes qui restent, qu'on puisse parler de l'association, l'AQED, qu'on peut aller voir l'information, comme tu disais, Nadia. J'aimerais ça qu'on comprenne un peu qu'est-ce que c'est que cette association-là. Alors, l'Association québécoise œuvre auprès des familles québécoises depuis plus de 20 ans. Elle regroupe des gens de tout le Québec, bien sûr, hein, qui veulent l'épanouissement de leur enfant dans un cadre différent. On a différents comités de soutien, donc du soutien téléphonique pour nos membres, mm-hmm. du soutien d'accompagnement juridique, du soutien légal. On a une avocate, 2 avocats qui travaillent en collaboration avec nous, des juristes. Pour le côté légal. Pour le côté légal, quand il y a lieu. Mais je vous dirais que le côté information et soutien, événement, Nadia s'occupe justement d'un très bel événement. Oui, on a 2 congrès qu'on monte tous les ans. Cette année, je vais vous dire les dates. En fait, sur Québec, ce sera le dimanche le 6 mai. Et sur Montréal, ce sera le 22 et le 23 septembre. Donc, on a un congrès où nos membres sont invités, mais aussi tous les gens qui sont curieux d'apprendre, qui voudraient s'y lancer. Donc, mm-hmm. tout le monde est les bienvenus. On a des conférences sur tous les styles d'apprentissage qui peuvent exister, sur les questions, sur la loi, sur le côté légal, etc. Donc, mm-hmm. Puis aussi, il y a des activités, comme tu viens de le mentionner, mais sinon... qu'est-ce qu'il y a comme ressources à cette... On parlait d'avocats au niveau légal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bien, écoutez, à la base, c'est le soutien téléphonique, le soutien aux membres, qui est possiblement le service le plus en demande. Il y a de multiples appels quotidiennement. À tous les jours. À tous les jours. Téléphone et email inclus. Le conseil d'administration... Ce sont des bénévoles, hein? Ce sont tous des bénévoles mm-hmm. qui œuvrent au sein de la CAED. Donc, ce sont tous des gens qui sont passionnés. Oui. On fait aussi au niveau légal, en ce qui me concerne, tout le côté d'accompagnement lorsque lieu de faire de la représentation auprès des commissions, aller rencontrer les commissions scolaires, les directions scolaires, lorsqu'il y a des conflits pour les débuts de l'école à la maison. Ah oui, il y a des... qu'est-ce qu'on peut avoir le plus comme difficulté quand on décide de sortir notre enfant de la commission scolaire, de l'école traditionnelle? Dans la plupart des cas, ça se passe très bien. Dans la plupart des cas. Par contre, certaines commissions scolaires veulent conserver un certain contrôle, un bénéfice, oui, bien sûr, au niveau des budgets qui sont attitrés. Mais je pense que c'est pour la plupart du temps, lorsqu'on a des interventions, c'est vraiment de la méconnaissance autour de la possibilité de faire l'éducation à la maison. Donc, ces rencontres-là, on va accompagner nos membres, on va essayer de les soutenir et de bien renseigner les intervenants. Mais on est à un autre degré parce que pour la plupart, ça va très, très bien. Les soutiens téléphoniques des membres répondent adéquatement aux besoins. Les familles vont compléter les ententes de service quand il y a lieu, parce que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a des enfants qui sont déclarés aux commissions scolaires et on a des enfants qui ne sont pas déclarés aux commissions scolaires. OK. C'est-à-dire, pour nous éclairer là-dedans, il y en a qui sont déclarés et d'autres, non? Bien, écoutez, des enfants qui ont été sortis du système scolaire, qui ont fait leur maternelle et que les parents se sont rendus compte que ça ne convenait pas à l'éducation de leur enfant, ces enfants-là possèdent, à ce moment-là, un numéro, ils sont enregistrés au niveau de la commission scolaire. Oui. Des enfants qui n'ont jamais fréquenté d'institution ne sont pas connus des milieux scolaires. Donc, c'est pour ça qu'on ne connaît pas non plus les le nombre exact des enfants c'est qui... Ça. On figure que c'est environ 5 000 à 10 000 enfants. Au Québec? Qui ne seraient pas déclarés environ. Dans le fond, on a 5 000 qu'on sait qui sont déclarés. C'est ça, 5 000 qu'on sait. Puis on... Lorsqu'on se rencontre, on est capable de faire des ratios et de voir combien en sont déclarés, combien ne le sont pas. Et c'est facile d'avoir une idée générale de ce que ça représente dans la province. Oui. Donc, on parle d'autour de 10 000 enfants qui feraient l'éducation à domicile. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup d'enfants. Ouais. C'est pas mal d'enfants. Et puis, si on peut les soutenir encore plus, ça serait l'idéal, là. C'est sûr que chaque parent demande que ça, hein? Un soutien, une écoute de la part des commissions scolaires, l'accessibilité aux bibliothèques scolaires, aux activités. Mais, aux parascolaires. Côté examen, par exemple, les enfants, est-ce qu'ils en passent des examens de fin d'année? Ben, les politiques d'évaluation des apprentissages du ministère de l'Éducation prévoient que pour certains élèves qui reçoivent leur formation en dehors du cadre scolaire, il n'est pas nécessaire d'avoir ces évaluations-là. Okay. L'évaluation en cours de formation doit être intégrée justement à la dynamique de chaque élève. Un enfant qui n'est pas déclaré la commission scolaire n'a pas cette obligation de passer d'examen. Et ça, c'est méconnu, ça. On dirait que c'est méconnu. On dirait qu'on a l'impression qu'il faut passer l'examen. Pas du tout. Nos membres, à 80, et je ne me trompe pas, 98 % de nos membres présentent un portfolio en fin d'année. Ouais. De nos membres déclarés, présentent un portfolio à leur commission scolaire afin d'évaluer les apprentissages de l'enfant au cours de l'année. Donc, on a très peu de membres qui vont faire passer les examens annuels. Il y a certains parents qui le souhaitent, donc eux, c'est sûr qu'ils y vont. Eux arrivent avec les enfants qui sont déclarés aux commissions scolaires, en fait. Eux, les parents vont avec leur portfolio de l'année présenté à la commission scolaire. Est-ce qu'il y a des réticences de la part des commissions scolaires? Est-ce que... Il y a des commissions scolaires qui sont excessivement bêtes. Comment eux savent que l'enfant est rendu... Parce que là, les années scolaires ne sont pas pareilles. Ou ils sont pareils? On voit le cheminement entre le début et l'apprentissage. Par exemple, si je donne un exemple, là, programme mathématiques X ou... travail écrit X, ben au début de l'année, on voit vraiment la différence avec la fin. Donc, puis les parents, là, ils vont souvent vérifier, par exemple, là, sur Internet pour au niveau de ce que le ministère demande, on va vérifier. Est-ce que notre enfant répond à ça? Donc, on peut se guider là-dessus, mais c'est pas tout le monde qui fait ça, là. Plusieurs parents vont aussi, dans des cas où les enfants ne sont pas déclarés aux commissions scolaires, vont faire eux-mêmes affaire avec des orthopédagogues pour avoir des évaluations annuelles. Alors, pour avoir un avis externe sur les apprentissages de son propre enfant. Donc, c'est aussi valide, ça a la même finalité. Mm-hmm. C'est déjà terminé pour cette semaine. Déjà. Ça a passé vite. Ambre et Amétis sont hyper tranquilles. Vraiment, là, vous êtes tranquilles. On les a presque pas entendus. Nadia Mercier, Martine Ricard de l'AQED. Si on veut de l'information, aqed.qc.ca. Je vais mettre l'information aussi sur la page Les Différents. Pour les parents qui peuvent... J'ai vu qu'il y avait eu de la réaction hier, justement, quand j'ai publié à partir de ça. Ça intéresse les jeunes. Les gens sont curieux. Donc, écoutez, je vais mettre les informations sur la page Facebook Les Différents. Ambre et Amétis, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Et puis, moi, j'ai adoré ça. T'as adoré ça. Et moi, j'ai hâte de lire ton livre. Donc, quand tu auras terminé ton livre, tu viendras nous... tu m'en enverras une copie, puis je vais la faire tirer parmi les auditeurs. Ça te va? OK. OK. Merci. Merci encore d'être venu en parler. À une prochaine. Puis je vous souhaite encore plusieurs années d'études à domicile. Mais plus d'apprentissage. J'aime mieux l'apprentissage que l'étude. Exactement. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous.